Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 5 avril 1722. Exactement, c'est le jour de la découverte de la célèbre île de Pâques. Ça nous fait voyager ce matin, nous sommes en plein Pacifique. Le nom est transparent puisque ce 5 avril, à l'époque, coïncide avec le jour de Pâques. Donc, Roggeveen, qui est l'explorateur hollandais qui est en train de découvrir l'île, la nomme île de Pâques. Il n'a pas été cherché bien loin. Non, effectivement. Alors, il la découvre de son point de vue car ce n'est pas vraiment une île déserte. C'est vrai, vous avez raison de le préciser. À l'époque, elle est habitée par des Polynésiens. Il n'en reste que quelques centaines à l'époque sur l'île. Ils vivent dans un certain dénuement, il faut bien le dire. Il y a eu des guerres, des famines qui ont décimé cette population. Mais sur l'île de Pâques, il y a aussi les statues, les fameuses. Et là, il y a un mystère. Et oui, ces statues gigantesques sculptées d'un seul bloc qu'on appelle les Moai. Il y en a près de 900 sur l'île. On en trouve de toutes les tailles, entre 2 et 9 mètres. Elles pèsent en moyenne 14 tonnes. Elles sont tournées pour la plupart vers l'intérieur de l'île et elles ont l'air de rendre hommage aux ancêtres des habitants, même si on ne connaît pas bien leur fonction, pour tout vous dire. Le vrai mystère, c'est surtout de savoir comment on a pu déplacer des blocs aussi immenses sur des kilomètres. On se posait la question à l'époque, est-ce qu'on le sait aujourd'hui ? Eh bien, dans les années 50, des chercheurs ont voulu mettre en place des reconstitutions avec des outils d'époque. On a essayé de tirer les pierres à l'horizontale sur des traîneaux, mais les traditions évoquent aussi des statues qui marchent. Elles auraient donc été déplacées debout à la verticale. Eh bien, en 2011, une nouvelle équipe a pu démontrer qu'elles pouvaient en effet être déplacées de cette manière, à l'aide de cordes attachées à la tête des Moai et qui sont tirées par des dizaines d'hommes, grâce à un mouvement de bascule qui donne effectivement l'impression de loin de voir les statues marcher. C'est une théorie qui depuis a été contestée par de nouvelles recherches. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une énigme sans fin, un peu comme celle de la construction des pyramides. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour parler de Néandertal.